Bon, premier sujet de soirée, l'amour sans garantie. À quoi ça sert l'amour? Parce que c'est la question par rapport au sujet. L'amour, fondamentalement, c'est une expression très profonde de l'âme. Ça existe dans toutes les parts de votre programmation. C'est sous-jacent d'une polarité qu'on appelle la haine. Mais disons que par fondation, l'amour, c'est une sorte de capacité de se créer un territoire. Bon, il faut que je m'explique là-dessus, parce que c'est pas clair pour tout le monde. On aime ce qui, en général, nous appartient. Et puis, j'aime mon bras, il m'appartient, on va le guérir. Et puis, la capacité que l'individu a de créer le territoire est proportionnelle à sa capacité d'aimer. Pas tout le monde qui aime pareil, puis pas tout le monde qui aime à la même intensité, puis pas tout le monde qui aime pour les mêmes raisons. Mais tout le monde a une capacité d'aimer, parce que s'il n'y a pas cette capacité d'aimer, vous ne serez même pas capable de vous occuper de vous-même. Donc, l'appréciation de soi est basée sur un amour de soi. Donc, la capacité de se créer un territoire, c'est aussi la capacité non simplement de le créer, mais également de le protéger. Donc, un individu qui vient au monde, au début, bien, on y souhaite d'être capable d'aimer ses parents pour pouvoir se situer dans un territoire. On y souhaite d'être capable d'aimer dans l'environnement dans lequel il vit. Pas toujours évident, selon les pays dans lesquels tu viens au monde. Et puis, éventuellement, en grandissant, plus tes ressources vont pouvoir comme s'exprimer en pouvoir, plus tu vas être en mesure de protéger ce dit territoire. J'applique, parce que j'ai déjà parlé dans d'autres conférences, j'applique sur le fait qu'il faut une ressource, il faut une puissance pour éventuellement avoir du pouvoir. Vous ne pouvez pas pouvoir faire quelque chose si vous n'avez pas la puissance de le faire. Donc, il vous faut une ressource avant de faire quelque chose. Donc, l'action de l'individu, l'expression de l'individu est basée sur une puissance. Puis la plus grande puissance qu'il y a au monde, dans le domaine de l'âme, la plus grande ressource, c'est votre capacité d'aimer. Comme je l'ai dit, tout le monde n'a pas la même capacité d'aimer. Bon, vous expliquer pourquoi. L'amour, par principe, c'est une... c'est comme un élément dans la vie matérielle qui est profondément syntonisé avec les forces, dans le sens que, appelez ça Dieu comme vous voulez, parce que je sais qu'il est nouveau dans la salle, là, mais pour mon langage à moi, c'est les forces. Et ces forces-là nous envoient une vibration qui vient se syntoniser avec un module, si on pourrait dire ça, qu'on appelle l'amour dans la vie d'un être humain. OK? Donc, ce module-là, évidemment, selon ta naissance, a une capacité d'absorption et de transmission qui est fonction de ta programmation. Fait qu'il y a des gens qui ont des programmations plus difficiles que d'autres. On va dire l'exemple d'un Capricorne qui a une moins grande capacité d'aimer qu'un Taureau ou une Balance ou des signes plus fluides parce qu'il est très dense. Plus tu es dense, c'est plus long d'absorber. Ça prend plus de temps d'être en mode d'absorption. Quand tu es dans les signes d'eau, ou les signes d'air, c'est plus fluide, c'est plus mobile, de l'eau, tu sais, puis de l'air, c'est plus facile à pénétrer que de la terre. Donc, quand on parle de capacité de créer son territoire, on parle d'un module que vous avez qui est capable de vibrer avec une certaine intensité, puis ce rayonnement-là engendre le fameux territoire que vous pouvez avoir. Quand vous dites « j'aime quelqu'un » ou « j'aime quelque chose » ou que vous aimez quelque chose, c'est vous identifier un territoire qui vous intéresse. Moi, je parle exemple, j'aime beaucoup mes chats, fait que la capacité que j'ai d'aimer, qui est monumentale en ce qui me concerne, elle va se projeter sur une multitude de chats. Et puis, cette capacité de créer son territoire, c'est de dire « bon, ben ça, c'est mon chat, je m'en occupe ». Dès que vous aimez, vous voulez vous occuper de quelque chose. Il y a quelque chose de vous autres qui s'intéresse à aimer. Mais si vous n'avez pas la même capacité d'aimer pour toutes sortes de raisons de blocage karmique et de blocage que vous avez dans votre vie, vous avez une moins grande capacité de territoire. Donc, vous avez tendance, si vous avez des grands, grands besoins d'avoir du territoire, vous avez des tendances à vous associer à un groupe, à une famille, à un environnement donné pour avoir un effet multiplicateur de votre amour. Tu sais, c'est plus facile pour une équipe de hockey de scorer des buts qu'un individu tout seul contre six joueur. Vous comprendrez qu'on s'aime quand il faut se mettre ensemble pour arriver à se créer un territoire, donc un succès ou une garantie de quelque chose. Donc, la capacité d'aimer est directement reliée à l'espace ou au territoire que vous êtes capable de créer ou d'engendrer. Manquer d'amour, c'est petit territoire. Avoir beaucoup d'amour, c'est grand territoire. La volonté de sauver le monde, c'est beaucoup, beaucoup d'amour sans restriction jusqu'à temps que tu te fasses taper sur le nez puis que tu réduises ta gang. Donc là, tu dis, « Ah, mais là, je pense que j'aimerais pas les musulmans, j'aimerais pas les arabes, j'aimerais pas ci, j'aimerais pas ça. » Là, tu commences à installer des restrictions. Et puis là, tu définis ton territoire en vieillissant avec ta capacité d'aimer. Vous me suivez jusque-là? Dans la capacité de protéger, c'est que vous avez déjà défini ce que vous aimez. Fait que moi, je suis prêt à tuer pour mes chats, le coyote principalement, pas l'humain, mais on s'entend que si un coyote se présente le museau, j'attendrai pas la chasse ou le permis de chasse pour pouvoir en tirer un, ça c'est clair et net. Parce que protéger, c'est sans condition. Quand on dit on aime sans condition, bien, on aime sans condition. Il y a des conditions qui sont difficiles des fois à jouer là, ou à négocier, mais ça dépend des cultures ou des valeurs. Fait que vous allez aimer selon une culture, selon une valeur, puis vous allez protéger avec une culture et avec une valeur, avec des valeurs. OK? Bon, quand on va dire que quelqu'un n'a pas de couilles, bien, c'est parce qu'il ne défend pas ce qu'il aime. Quand on dit que quelqu'un a des couilles, on va dire qu'il est prêt à aller loin pour protéger ce qu'il aime, donc protéger son territoire. Je suis toujours dans le domaine de l'âme. L'amour, c'est âme dedans. Amour. Âme, amour. Bon. C'est sûr que quand vous allez mêler de l'esprit à de l'amour, vous allez refroidir la capacité de créer du territoire, parce que vous allez créer un territoire strictement pour l'événement dans lequel vous allez vous plonger. C'est ce qui fait que dans les temps futurs, plus les gens vont être conscients, plus leur capacité d'aimer va être mobile. Tandis que là, les gens ont une tendance à se créer un territoire et à se fixer. Aïe! Ah oui, mon grand! Aïe! T'es capable. Du montage, la souffrance. Fait que votre capacité de créer, quand c'est un terrain purement de l'ego, c'est un territoire très visible, très défini, comme dire c'est mon mari, c'est ma femme. C'est le sexe qui définit ça. Dans la base, il y a une appartenance. Et on établit l'appartenance sur le bien-être qu'on se crée mutuellement. Quand on devient mental, le sexe n'est plus le terrain de l'appartenance. Ça devient l'événement qui devient le terrain de l'appartenance. Grosse nuance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la fidélité est basée sur l'acceptance de l'autre. Parce que bien des gens disent « il ne m'aime pas, il me rejette, papa, papa. » Alors que si une personne rentre dans un échange, et puis dans cet échange-là, il se crée une appartenance, comme dans un film, tu sais, il s'aime pour le temps du film. Puis, pas sûr qu'il s'aime après le film, mais c'est l'impression que ça crée, c'est que l'événement dans lequel les gens vivent crée un attachement parce qu'ils doivent s'appartenir pour pouvoir se motiver à se protéger. Ça se comprend un petit peu? Tu ne m'appartiens pas, pourquoi je te protégerais? Tu sais, c'est comme, tu as un ami, tu dis, hey, je veux financer mon auto. Puis tu dis, tu m'endosserais-tu? Pourquoi je t'endosserais? Bien, je ne sais pas, ça fait un an qu'on baise ensemble. Ouais, mais tu ne m'appartiens pas encore. Ah, alors ça, toi. C'est quoi t'appartenir? Ça coûte combien devenir des amis amants ou des amants maris ou des affaires de même? C'est toujours en fonction de la définition de ce qui t'appartient ou de qu'est-ce que l'autre est prêt à acheter de toi pour savoir jusqu'où il est capable de se rendre. Il va te protéger sous quelles conditions. Ça serait le fun de faire un logiciel qui calcule combien ça coûte quelqu'un pour l'avoir à nous autres. Moi, ça coûterait cher en temps. On va dire que la personne qui me mettrait le grappé dessus, il faudrait qu'elle sorte le portefeuille. Oh, ça serait violent. Par contre, une fois bien acheté, c'est un bon protecteur. C'est un bon chien. Fait que l'évolution d'un individu, c'est une évolution vers la conscience et non pas l'inverse. Tu n'es pas conscient puis tu t'en tournes vers l'âme, ça ne se marche pas de même. C'est de l'âme, tu es très animal et tu veux créer un territoire et protéger ton territoire et que dans l'animalité, que ce soit le plus fixe possible. Fait que fixer son territoire, c'est se donner des garanties. Et c'est là le sujet de la soirée. Si tu es dans l'âme, tu veux fixer ton territoire. Exemple, j'aime ma mère, c'est dur de discuter ça, j'aime ma mère. J'aime ton père, t'es pas sûr. Mais j'aime ma mère, ça, c'est clair. Ça vient, c'est ton premier trou que t'as sorti du trou. C'est la première fois que t'es sorti, puis t'as respiré, puis t'as gueulé, puis t'as crié, puis t'as tout le kit. Fait que c'est pas négociable. Fait que là, si elle t'aime, puis que tu l'aimes, va vous créer un très puissant territoire qui risque de durer toute votre vie. Mais si la mère est aguissable, puis qu'elle te sacre là, quand t'es jeune, oups, t'as moins le goût de la protéger. C'est évident que c'est ta mère, mais c'est pas évident que t'as le goût de la protéger si elle t'a déjà abandonné. Donc, les gens sont très, très, très sensibles à toutes les perceptions de rejet qu'ils peuvent avoir dans sa vie. Et c'est où que ça se place, le fameux rejet? C'est que, comme je vous ai dit, dans l'âme, l'amour est appuyé par une polarité qu'on appelle la haine. Donc, tu peux être aimé beaucoup, mais, exemple, une femme a eu un enfant après un viol, pas sûr qu'elle va aimer son enfant tant que ça, parce qu'il n'y a pas une sympathie profonde avec le père, tu sais. Conséquemment, l'enfant peut venir au monde, puis il est pré-rejeté, tu sais, parce qu'il n'y a pas un consensus très, très défini avec la famille, tu sais. La famille, il n'y en a pas, en final, tu sais, il n'y a pas deux individus qui s'aimaient pour être ensemble. Donc, dépendant de ta programmation, là, c'est sûr que je joue avec des extrêmes, là, mais dépendant de ta programmation, tu peux avoir un homme qui négocie son amour avec l'autre. T'sais. Tu m'aimes, tu sais, combien de fois des gens qui sont ensemble, ils se vérifient, tu sais, vont dire tu m'aimes, tu m'aimes combien, tu m'aimes comment. Les signes de terre, en général, c'est que tu m'aimes combien. Ils vont pouvoir évaluer ça à l'héritage, tu sais, ou, parce que c'est rarement dans le... C'est pas vraiment le divorce qui est la mesure de tout. L'héritage, quand c'est mort final, là, c'est fixe, là, c'est enterré. Tu sais ce que tu valais à ses yeux selon l'héritage qui est en cours. Mais je reviens tout le temps au fait que l'âme, c'est polarisé, puis que là où il y a de l'amour, il peut avoir un potentiel de haine, un potentiel de négociation, parce que la haine et l'amour, quand ça valse, là, ça joue avant, ça recule, il y a un phénomène d'abandon qui engendre en général la haine. Bon, que tu n'as pas dans l'esprit, parce que l'abandon ou la séparation ou la coupure fait simplement établir une fin d'étape, parce que l'individu n'est pas en évolution avec l'autre, strictement, il est en évolution avec lui-même, et l'autre participe à son développement, puis lui, il participe au développement de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, la capacité de créer du territoire, elle vient avec beaucoup d'amour, puis conditionnelle aux zones de rejet ou d'abandon qu'il y a dans tout le mouvement. Tu perds ta capacité de créer du territoire dans ta façon de traiter avec le rejet. Vous me suivez? Plus tu as des problèmes de traitement avec le rejet, plus ton territoire a tendance à se restreindre. Et puis là, tu vas finir par avoir des gens, moi, qui viennent en consultation. Vous savez, moi, j'aime pas tout le monde. Vous avez été bien déçus, madame, hein? Vous n'avez pas d'idée, monsieur. Elle dit, pour que je vous fasse des confidences, elle dit, faut que vous m'inspiriez confiance. Bien, jamais je vous trahis ça, madame. Puis si elle s'appelle Josette, on va l'appeler Josette. Comment, hey, Jazzy, comment va Jazzy? Puis là, tu rentres dans des territoires de profondeur. Puis là, ça part à broyer quand tu touches une zone d'abandon. Tu tapes une zone d'abandon, là, top, puis tu dis, bon, ben, je vous accepte là-dedans, moi. Puis ça part. Automatique, parce que là, tu viens d'affranchir l'individu d'une impuissance d'aimer dans un blocage émotionnel. Fait que là, tu défais la raison de sa tension, qui est une forme d'abandon. Puis là, elle développe une confiance qui la fait rayonner par l'intérieur, puis ça agrandit son territoire. C'est ce qu'on appelle voir ménard pour avoir des permissions. Fait que tu vas voir ménard pour avoir des permissions, puis là, ben, tu peux te créer plus de territoire. Facile à comprendre, c'est mécanique. Je sais, j'ai passé ma vie là-dedans. À un moment donné, tu dis, il doit m'aimer, ce gars-là. Oh, attention, là. Il est très, très spécial, spatial. Il est dans un univers qui n'est pas tout à fait le tien. Pas tout à fait. Il y a bien des blocages, puis avant que tu le fasses broyer, il va falloir que tu martyrises un chat. Fait que c'est comme, whoop, là, attention. L'amour, c'est une façon de lire la vie, puis la sensibilité, ça en est un autre. La sensibilité, c'est une lecture de l'événement. L'amour, c'est le rapport que tu as avec toi-même pour développer une confiance de te projeter. Pas pareil. Une confiance de se projeter est basée sur l'amour de soi. Et il faut que ça passe par l'amour des autres pour pouvoir voir qu'est-ce que tu aimes de toi. Parce que des fois, tu ne sais pas ce que tu aimes de toi. Tu as besoin d'interagir avec les autres, savoir comment tu vibres les autres, que tu sentes les autres. Puis comment est-ce que, comme les chiens, ils sentent, là, tu sais, ils sentent, puis... Tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont fait comme lecture, mais ils ont toute une lecture indépendante, tu sais. J'ai des chats, moi, chez nous, qui font juste se regarder, puis ils n'ont même pas besoin de se sentir, puis c'est déjà la bataille. Fait que c'est... L'amour, c'est très, très, très, très complexe dans l'approche de l'autre, puis dans l'approche de l'autre, en partant du principe que l'autre, c'est un miroir de ce que tu as et de ce que tu n'as pas, tu peux comprendre que tu vas être attiré vers quelqu'un qui te complète et non pas quelqu'un qui est pareil. Les gens qui ont les mêmes forces s'entendent plus ou moins bien en privé, ils s'entendent mieux en public. Moi, ma femme m'aimait jeune parce qu'on était très différents. Puis plus je l'ai aidé à développer sa puissance, elle est arrivée à un stage de puissance qui était proportionnel au mien. Si bizarre, là, ça a commencé à aller mal. Parce qu'il y a une compétition qui s'est installée, parce qu'il y avait une puissance équivalente. Donc, tant qu'il y en a un qui a une poutre, puis l'autre a de poutre, puis que vice-versa, chacun a sa zone d'on-put, puis d'in-put. Moi, j'ai pas de talent dans tout, mais si l'autre me complète dans certains talents, bien là... Je vais l'aimer parce qu'elle agrandit mon territoire. Vous me suivez? Puis on va s'haïr sur le fait qu'on se marche les pieds parce qu'on fait la même affaire. Donc, se créer un territoire, quand tu es à deux, il faut qu'il y ait une différence. Donc, tu ne peux pas aimer quelque chose qui est pareil. Tu vas aimer quelque chose qui est différent et complémentaire. Puis tu vas protéger l'autre dans ce que tu vas protéger l'autre pour tes intérêts parce que tu cherches à protéger ta différence. Et c'est dans ta différence que tu vas trouver le plaisir de... soutenir et développer le territoire en question. Parce que si l'autre devient pareil, il devient une menace pour partir avec ton territoire, il n'a plus besoin de toi, il est pareil. Quand il est pareil, il n'a plus besoin de toi, là, comme tel. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que l'amour est sans garantie? C'est l'évolution. Il n'y a pas un personnage qui vient au monde qui n'évoluera pas dans sa vie. Tout le monde va évoluer d'une façon ou d'une autre. Donc, tout le monde va faire des prises de conscience sur ce qu'il aime. Donc, jeune, il va aimer d'une façon. Il va vivre tous les jeux de l'amour, l'abandon, le rejet. Il va être obligé de se faire une idée de ça. Il va être obligé de se développer une sagesse, une compréhension, une adaptation. Je pourrais dire, exemple, que le chaud t'abandonne, puis rendu à l'automne, ça te prépare pour l'hiver. Puis l'hiver, c'est un, surtout cet hiver en particulier, 2015, c'est un profond abandon de l'été à notre égard, évidemment. Et puis quand on va arriver à l'été, on va sentir qu'on abandonne aussi l'hiver. Et puis c'est les contrastes dans la personne qui reçoit et la personne qui donne. On comprend facilement qu'une personne qui aime le ski ou qui aime la motoneige puisse aimer un peu plus l'hiver que l'été. Mais c'est quand même dans le contraste qu'un individu évolue, et puis évolue principalement par l'adaptation. Quand tu t'adaptes, tu deviens automatiquement mobile. Donc, tu ne peux pas être fixe. Tu vas protéger un territoire et tu vas avoir tendance à le fixer, mais en même temps, tu l'hypothèques d'une évolution lente. La personne qui doit s'adapter rapidement à plusieurs conditions de vie intime, privée ou publique, peu importe, il évolue plus rapidement que la moyenne, mais il doit s'adapter aussi plus fréquemment. Et conséquemment, sa capacité de se créer du territoire, il faut que ça soit mobile. Je pourrais dire que quelqu'un qui reste 40 ans en même place est moins évolué qu'une personne qui va être obligée de bouger fréquemment dans un dans des voyages ou dans des déplacements ou dans une vie, en tout cas, qui est plus mobile, carrément plus mobile. L'évolution va avec l'adaptation, mais l'adaptation impose une mobilité en quelque part. Tu es obligé d'être exposé à différents types de programmation de vie, de programmation de conditions de vie sociale, puis etc., de philosophie. Moi, j'ai bien de la misère à passer ça simple, l'islam. Beaucoup de difficultés. J'ai rencontré des Arabes, mais ils étaient chrétiens. Puis il y en a un qui est islamiste, puis c'est comme les atomes crochus sont pas là. Tu sais, c'est un... Comment ils appellent ça, là? Un musulman, là. Puis, je sais pas, il y a quelque chose dans l'être qui vient pas me rejoindre. Probablement à cause du traitement de la femme. Moi, j'aime pas la façon de penser du musulman que la femme y appartient. Puis, mais tu sais, c'est une appartenance plus que fixe. C'est un territoire qui est comme gelé naturel. Et puis, j'ai une tendance à favoriser la mobilité pour un être. Pour devenir un être, il faut que tu sois mobile. Tu es obligé de t'adapter beaucoup. Et c'est le seul temps où l'esprit peut se manifester. Fait que c'est comme de l'âme incrustée, la psychologie musulmane. C'est fixé, la charia. On va te battre, on va te tuer si tu ne crois pas à ça. C'est too much. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Ça ne s'adapte pas. Ça ne veut pas s'adapter. Ça veut juste s'imposer. Fait que j'ai une difficulté avec ça. Donc, moi, le rapport à mon haine, quand je l'ai vécu dans ma vie pour différentes phases de ma vie, je me suis vite compris qu'il fallait que je m'adapte à des conditions, que l'esprit me donne un avantage. Donc, être mobile, pour moi, c'est pas un désavantage. C'est une capacité de l'intelligence de me poser dans le cadran pour me dire « fais ça » pour t'adapter à telle situation. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. J'essaie d'enseigner aux gens à avoir des lectures d'événements plutôt que des lectures de personnes ou d'individus qui sont trop restrictives. Donc, évoluer, c'est s'adapter. Et puis, la capacité de se créer un territoire fixe, ça peut être mobile. Ça peut être un matériel avec lequel tu vas composer pour des étapes. Telle étape de vie permet telle chose. Tu respectes tes parents toute ta vie. C'est une fixité qui n'est pas saine. Tu restes avec tes parents pour une étape. Puis après l'étape des parents, bien, il y a une étape de formule d'intimité qu'il faut que tu réussisses en quelque part. Si tu te sors bien de la famille, tu vas bien rentrer dans une famille que tu vas te créer des territoires. Puis éventuellement, si ça, la famille, c'est les enfants, puis que les enfants doivent s'en aller, parce que tu ne restes pas fixé à ta famille. Donc, tes enfants ne se fixeront pas. Se fixeront pas à toi, à moins que ce soit des gens qui sont handicapés socialement puis que tu es obligé carrément de les garder à ta charge pendant 60 ans. Peut-être fort un peu, là, mettons 40. Puis ta capacité de créer un territoire, ça va aussi engendrer un rapport avec des gens, puis des gens qui ne peuvent pas toute leur vie te garantir une présence. C'est un enfant qui s'en va de la maison, il s'en va de la maison au point final. Donc, il faut que toute personne qui évolue s'adapte dans des milieux différents. Et milieux différents, ça ne veut pas dire que la personne ne te redonnera pas un rapport d'où est-ce qu'il est rendu. Ça veut juste dire qu'à un certain moment donné, la personne peut dépasser ton expérience de vie personnelle. Ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce qu'on aime peut éventuellement dépasser l'entendement mental, intellectuel, culturel, de ce qu'on aime. Est-ce qu'un enfant, tu sais, mon père m'envoyait à l'école classique, ces choses-là, puis à un moment donné, bien, tu sais, j'en savais un petit peu plus que lui. L'amour peut te garder ensemble, mais l'intellect peut établir des différences qui fait qu'à un moment donné, l'autre t'aime moins ou t'abandonne parce qu'il est compétitif puis il ne veut pas que tu le dépasses au niveau de l'autorité. Vous me suivez? Les parents plus intelligents acceptent de composer avec la différence et sont fiers de la capacité d'une performance quelconque sociale et puis vont s'intégrer sur le fait que « je comprends pas ce qu'il vit, mais je l'aime bien. » Tu sais, ça reste à peu près à ce niveau-là. Là. Puis ça, l'amour que tu as pour l'autre, c'est comme, il a amélioré le taux de la maison, tu sais, Il est dans son voyage, il a ramené un palmier. Puis ça, au Québec, ça fait bizarre, mais on sait que notre gars a voyagé, le palmier était hors, puis l'hiver, il fait dur. Tu sais, c'est... Je fais une caricature, là, mais c'est comme... Il y a des gens qui ont une capacité de s'adapter pour intégrer des éléments qui sont de, font partie de leur territoire. Puis il y a des parents qui ne sont pas capables de se libérer d'eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas assez. Puis dès que l'enfant réalise des choses qu'il aurait voulu vivre, bien là, il y a une coupure qui s'installe parce qu'ils ne sont plus capables de matcher les territoires ensemble. Puis là, il y a rupture. Donc, dans l'évolution, il y a nécessairement... un test ou une souffrance, je vais appeler ça comme ça, une souffrance à l'amour. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais avec une femme qui ne faisait pas d'exercice. C'était tough parce que j'étais un athlète à l'époque, puis à l'époque, je dis bien. Et puis, je faisais beaucoup, beaucoup d'exercices. J'étais tout le temps sur un bicycle à pédale, c'est n'importe quoi. C'était, j'étais, comme on dit, ça à coche. Là, quand je voyais elle qui faisait juste garder des enfants, je me disais, mon Dieu, je vais la sauver. Jusqu'à temps qu'elle m'en fasse un. Et puis, je m'en suis occupé pas mal. Mais c'était pas des... j'avais pas une famille d'athlètes. Mon gars, c'était pas un athlète. Ma femme, c'était pas un athlète. Jusqu'à temps qu'elle était obligée de s'adapter dans un autre milieu, parce que moi, je la protégeais plus, là. Elle était sortie du territoire. Puis là, elle a découvert un Nautilus. Elle brûlait les machines. Les gars, quand ils la voyaient arriver, ils disaient, hey, prends la machine à escalier, là, parce que si tu l'as, là, tu vas la perdre pour 2 heures, elle va être dessus jusqu'à épuisement total. C'était vrai. Alors, elle a fait de l'exercice, l'exercice. Elle sait qu'à un moment donné, elle m'a dépassé, carrément. Bien, c'est sûr que, tu sais, courir sur une machine ou un tapis roulant, tu ne dépasses pas personne, là, mais elle m'a dépassé en temps d'entraînement. Fait que moi, autant je m'entraînais, là, dans le temps je faisais de la compétition de moto, autant je m'entraînais, là, des 15-20 heures par semaine. Autant, à un moment donné, c'est elle qui a pris la pôle puis qui a commencé à s'entraîner. Fait que, disons qu'avant 30 ans, j'étais réellement sur la coche, mais après 30 ans, c'était elle qui était sur la coche. Fait que je m'étais entraîné pendant 20 ans, puis après ça, elle, de 30 à 50, elle s'est entraînée pendant 20 ans. Il y a une souffrance à voir l'autre te dépasser. Il y a une souffrance à dépasser quelqu'un parce que tu fais souffrir, puis ça crée automatiquement une tension. Tu vas aider quelqu'un parce que tu l'aimes, puis à un moment donné, il développe un pouvoir qui se tourne contre toi. Moi, j'ai vécu ça avec mon gars. Je l'ai aidé à se créer des conditions de travail exceptionnelles, et puis là, aujourd'hui, bien, il est exceptionnel, et puis il est né tout seul, lui-là, là, tu sais, il n'a pas eu de main, il n'a pas eu de paye, il est venu au monde, tu sais, comme ça, là, tu sais, il a eu un jour, 25 ans, pouf, il est venu au monde à 25 ans. 25 ans, il s'est réincarné, là, tu sais, boum, boum. Il y a une souffrance parce que quand tu fais partie de la zone sombre, là, la zone 0 à 25, puis que tu n'existes plus quand tu es à 25, il y a une souffrance parce qu'il y a une coupure. Il faut que tu t'adaptes à ça. Puis là, tu aimes d'une autre façon. Puis l'amour que tu vas avoir à ce moment-là, c'est un amour qui devient mental, mais qui est sans garantie pour l'âme. L'âme, c'est elle qui demande des garanties. C'est elle qui demande la reconnaissance, qui dit « Hey, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça. » Tu sais, qui fait des bilans, qui fait une comptabilité, là, c'est l'âme, ça, qui fait ça. L'esprit, elle, quand elle aime, c'est pas de l'amour. Tu sais, moi, je peux pas dire que j'aime aujourd'hui. Je peux dire que je suis bien sensible dans le partage d'une expérience. Je suis bien sensible à qu'est-ce qu'on a à faire ensemble pour pouvoir arriver à un mieux-être mutuel. Mais... je ne me crée pas d'appartenance là-dedans. Autant je ne veux pas que l'autre m'appartienne, je ne veux pas appartenir à personne là-dedans. Vous me suivez? Ça, c'est un gros switch. Ça demande d'être plus dans l'esprit que dans l'âme. Il y a très peu de gens qui peuvent se rendre là pour une raison. C'est que tu ne sais pas que ce que tu vis, pourquoi tu vis, puis dans quelle direction, quel sens que ça a. L'âme se donne des points de repère dans la mesure de l'acceptance de son milieu. Fait que le milieu t'accepte, conséquemment, t'es bien là. Le milieu te rejette, il t'a déjà accepté, puis là, il te rejette. Ça se peut que tu l'aies dépassé, ton environnement. Ça se peut que l'environnement t'ait dépassé ou demande d'autres choses. C'est possible. Tout ça, tout est possible. Mais de l'âme, ça cherche à établir un territoire. Et puis quand, dans l'âme, le territoire est remis en question, Il faut avoir une autre lecture pour être capable de composer avec le changement de toi-même avec les autres ou des autres avec toi-même. Et ça, c'est la lecture de l'esprit, la lecture de l'événement. C'est plus toi en tant qu'individu qui est remis en question. C'est Lévi qui, dans son développement, demande d'avoir des nouveaux acteurs dans la pièce de théâtre. Ça, si tu n'as pas une lecture d'esprit, tu es en crise tout le temps, tout le temps. C'est quoi une crise? C'est une mauvaise interprétation qu'on se fait d'un événement. On est dans un événement, et puis on a une mauvaise lecture de l'événement, et puis l'environnement nous met en crise parce qu'on n'est jamais capable d'avoir un point qui nous dit, ben gars, c'est ça qui se passe, là. Puis ça, c'est pour toi, puis ça, c'est pour nous autres, puis ta-ta-ta-ta. Fait que tu n'es pas capable de faire de comptabilité de l'âme là-dedans parce que la relation est demande d'être dans l'esprit. Tu ne peux pas être dans l'âme parce que dans l'âme, c'est de la fracture tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas regarder un exemple. Un homme qui est alcoolique avec une femme, où j'en ai vu beaucoup dans ma vie en consultation. Puis la femme, le policier rentre en dedans, il veut sacrer une volée au gars. Non, non, non, non, non. Puis elle saute sur le policier, il veut défendre son chum. Elle dit, viens de vous casser deux côtes, madame. Ouais, je sais, mais je l'aime. Oups, là, qu'est-ce que je comprends pas, là? C'est karmique. Si t'as pas de lecture psychique de la situation, tu peux pas comprendre. Ils sont faits pour se tuer, ce monde-là. Fait, vous comprenez le point que je veux faire, c'est que l'amour, ça vit dans une lecture des choses qui est très, très, très personnelle. J'aime parce que je vais être propriétaire de, je suis propriétaire, je le protège puis je le garde. Je veux que ça se fixe, ça dure le plus longtemps possible. Et puis, si le moindrement, l'évolution rentre là-dedans, il faut que tu t'adaptes. C'est toujours où il faut que je trouve une autre façon de l'aimer. Puis, si je l'aime, ça va être à condition que. Mais vous remarquez une chose, quand ça a évolué puis c'est tourné vers l'esprit, vous ne pouvez plus aimer comme l'âme aimait avant. C'est impossible. C'est impossible. C'est, moi, tu me dirais, veux-tu te marier? Tu sais, quoi, ça? Marier. Pourquoi marier? Pourquoi spécifiquement marier? Y a-t-il un héritage à savoir? C'est quoi l'affaire? C'est pas... Non, pas grave. Il n'y a pas de... Non, même me marier pour un héritage, c'est comme pas dans ma nature. Donc, m'a donné quoi en retour? T'sais, moi, c'est tout l'échange. Il va falloir que j'aille essayer plein, puis je te chatouille les orteils. T'sais, c'est quoi l'affaire? Fait qu'on comprend facilement que l'âme cherche à s'approprier et veut fixer ça, protéger ce qu'il a acquis. Et puis, le manger comme un crabe, là, avec les deux petites pinces en avant, là, qui mangent, grignotent ça là, le plus longtemps possible. Vous êtes rendu au stage, là, on part du principe que vous l'avez atteint, ça, ce niveau-là. Vous êtes rendu au stage, vous êtes très, très conscient que votre amour a vécu une zone d'âme. Bon. On est rendu au vieux couple. T'sais. Un vieux couple, ça peut être après 3 ans, ça dépend toujours du niveau. Du niveau d'intégration des gens. Ce n'est pas une affaire de temps. Dans l'âme, on cherche l'éternité. Tu sais, d'ailleurs, quand tu vas te marier, je me souviens, tu as un évêque qui m'a marié à Joliette. Moi, là. Il dit, jurez-vous à madame ici présente, fidélité, rarara, pour toute votre vie. Oui, on va faire ça. Toute ma vie. En autant qu'elle veuille. Puis, il disait la même chose à l'autre. L'autre me regardait avec un gros smile. J'ai dit, oups, là, ça s'en manque, ça. Donc, quand l'autre a souri, j'ai senti que j'étais dans un gros bateau. Et quand on a acquis toute la programmation d'âme qui était essentielle à vivre dans un merge, parce qu'on parle toujours de l'amour dans le principe du couple, mais ça va plus loin que ça. Là, aimer ses animaux, aimer le travail qu'on fait, aimer. Ça vient tout le temps avec une pulsion de l'âme qui lie une programmation. Donc, quand vous avez été placé dans un registre d'âme qui vous fait comme vouloir des choses, bien, il y a dans le vouloir des choses une sorte d'engagement, là, comme je vous explique là, dans le mariage. Est-ce que vous êtes... Comment qu'il disait ça? Je m'en souviens tellement plus, tellement longtemps. Dans l'adversité, dans le... Tu sais, quand ça va mal, ça va. Quand ça va mal, puis ça va bien, jurez-vous d'être ensemble pendant toute cette période-là. Bon, ça se résume à ça. Et puis tu dis oui à ça, puis après ça, le contrat commence. Là, c'est pas tout de signer pour faire un bâtiment. Il faut que tu sois capable de le livrer. Et puis quand tu es pris avec cette dynamique-là, ça a du sens. Parce que fonder une famille dans une instabilité ou se créer un engagement parce qu'on aime faire ce qu'on fait, ça reste qu'à un moment donné, tu es obligé de configurer des conditions. Tu sais, c'est comme dire, j'aime bien gros mon travail, ça fait 40 ans que je le fais. Êtes-vous fidèle? Oui, je suis fidèle. Mais c'est toujours sous condition que moi, j'évolue, puis que je me développe, puis que j'y trouve mon équilibre. Vous me suivez? Vous avez tout le temps des conditions dans votre amour. Tu sais, c'est pas... Je connais personne, moi, dans ma vie, que j'ai rencontré, qui n'avait pas de conditions, tu sais. Il y en a qui ont des switches longues de même, d'autres, c'est des petites switches courtes, là, tu sais, que tu fais juste t'accrocher, tu souffles dessus, puis poum, poum, ça vient de finir. Fait que ça reste tout le temps qu'il y a des zones où on dit « Ah, moi, je ne veux pas souffrir de ça. Là. Je ne veux, veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci. » Fait que plus vous donnez d'amour intense, plus votre switch pour débarquer est gros. Ça prend du temps avant que vous débarquiez. C'est-à-dire, il va-tu finir par me lâcher? Hey, j'ai vu un film, là, c'est un chien japonais qui a attendu son maître pendant 9 ans, puis le bonhomme était mort. Je me souviens plus du titre. T'en souviens-tu du titre du film? Akita? Akita. Écoute, moi, il m'a fait broyer. J'ai dit, c'est plus fidèle que moi, ça, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de saint bon sens, ouais, un chien de même. Tu es obligé de te réincarner pour aller le voir, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est dans la nature du chien, il m'a dit, c'est impressionnant. Mais beaucoup d'âme. C'est beaucoup, beaucoup d'âme. Un chien qui aurait eu de l'esprit, il n'aurait jamais fait ça. Il aurait dit, bon, ben, écoute, on va prier pour lui, puis on va faire d'autres choses. Je ne suis pas une veuve à me tenir en noir pendant 15-20 ans ou jusqu'à la fin de mes jours. L'esprit, lui. Tu sais, l'âme sans garantie, c'est comme l'explication du « je peux aller jusque-là ». OK? Bon, le « peut aller jusque-là », c'est votre sans garantie vient de là. Vous avez quelqu'un qui vous aime, mais qui ne peut pas aller plus que là. Il n'est pas capable d'aller plus loin que. Fait que ça revient au chien Akita, là. Akita, c'est ça? Oui. Qu'il était capable d'attendre son maître, puis de mourir pour son maître, à attendre le maître. Il n'y en a pas bien, bien du monde comme ça que j'ai vu, moi, en consultation. Il y avait comme une zone d'attente, là, que, oups, là, il a rendu là, si j'en rencontre un, là, il va me soulager de ma période d'attente. En passant, l'attente, c'est la pire des dominations qu'il n'y a pas sur la planète. Attendre quelque chose, c'est ce qui domine le plus virulent que vous ne pouvez pas imaginer. Attendre quelqu'un, attendre un projet, attendre n'importe quoi, c'est une dominance épouvantable. Il n'y a pas plus, comment je dirais ça, dominant dans la vie que d'attendre. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est pas toujours quelqu'un. Non, c'est pas toujours quelqu'un. Fait qu'on arrive à l'autre zone, qui est l'esprit. Est-ce que l'esprit demande des garanties? Non. Parce que quoi? Pourquoi que l'esprit ne demande pas de garantie? Mais vous faites ça bien caricaturé, OK? Bien caricaturé. Vous allez vous réincarner. Vous ne savez même pas de quel sexe que vous allez revenir ici. Tu me vois-tu en petite fille? Shit! OK, c'est le 24-36-36. Moi, c'est le 24, c'est qu'il y a un problème. Je fais du 40. Non, chérie. Mais l'esprit, lui... C'est de l'étape évolutionnaire. Tu évolues dans un corps pour X raisons. Tu évolues dans une pièce de théâtre avec du monde. Puis dans une autre vie, là, les affaires que tu n'as pas réglées avec du monde, tu vas peut-être te réincarner dans la même famille. Puis dans cette famille-là, ben, ils vont t'aimer ou pas t'aimer selon les règlements de compte que tu as à faire par rapport à l'autre vie. Tu sais, il y a bien du monde où j'ai rencontré dans le temps que j'étais japonais, puis les samouraïs, puis tout ça. Puis il y en a une couple, là, que peut-être qu'on ne s'entendait pas dans la vie de japonais, là. Puis on a eu à régler ça ici, là. Puis, tu sais, le Jedi, peut-être, qui est monté un peu plus en coche, là. Tu sais, le Jedi, c'est pas japonais, ça. L'esprit se promène dans des programmes de vie. Prenez un Vidéotron, là, il y en a en maudit, des cassettes, là-dedans, là. Puis toutes les cassettes, c'est une vie. Vous écoutez un film, là, ça, c'est une vie. Bon, ben eux autres, c'est les plans, là. Le gros fun, c'est de dire, bon, ben là, lui, là, il est rendu là dans son expérimentation. On va le chipper dans telle cassette, puis on va y faire vivre cette vie-là pour voir qu'est-ce qu'il va intégrer là-dedans, puis qu'est-ce qu'il va découvrir, puis qu'est-ce qu'il va prendre comme conscience. Fait que, vous garantissez quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il te garantisse au niveau de l'âme? Rien. Ils font juste t'emmener sur le terrain des vaches pour te faire prendre des prises de conscience sur ton évolution ou ton développement vis-à-vis de ton rapport avec l'environnement. Font rire, moi, ça que j'ai vu là, des films, là, 45 secondes d'éternité, là, qui passaient à la mort clinique, là, qu'il appelait, là, puis j'en ai écouté deux, trois là-dedans, il vous parle d'amour gros comme ça. Ben oui, c'est sûr, t'es rendu dans le top des plans spirituels. C'est sûr que rendu là, c'est ça qu'ils vivent. Puis quand tu vas en enfer, c'est une autre affaire. Puis tu vis l'enfer, pourquoi? Parce que t'es trop spirituel, puis t'as besoin de densité. Fait que qu'est-ce qui te garantit en revenant ici que tu seras pas tu iras pas te ramasser dans l'État islamique pour pouvoir aller vivre ton enfer? Quand tu regardes du monde qui a une belle vie ici en Angleterre ou au Québec ou n'importe où qui s'en va se ramasser en Syrie, là, écoute, qu'est-ce qui te manquait, toi, dans la vie? T'avais pas ton jeu vidéo, c'était pas assez, là, t'avais besoin de le vivre en réel. Sport extrême, t'as vu ton chum faire trois tourniquettes en motocross, là, puis tu veux faire mieux que lui, puis là, tu t'en vas te faire tirer, là, en Syrie. Il y a bien des façons de se suicider dans la vie, mais ça, c'en est une bonne, là. Je trouve que c'est assez poussé. L'esprit t'emmène dans des trames de vie. Il peut pas te garantir quoi que ce soit. Tu ne peux pas te garantir une permanence dans la forme, voyons donc. Tu vas mourir, s'il y a une constante ici, là, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on est sûr de vivre? Toute la gang, c'est de crever. La façon, c'est pas important. Mais vous allez crever. Si vous êtes le style héros, ben, tu sais, vous voyez quelqu'un, je ne sais pas, moi, mettons, je vois une femme se faire violer par 4-5 gars. Ben, ah ouais, on y va. Tous des gros noirs de 290 livres, là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver, mon homme, là? Si tu ne laisses pas le karma de la mademoiselle se vivre, sais-tu, tu vas passer, tu vas t'en faire souiller une coupe, puis tu vas être cassé pour le reste de tes jours. Es-tu prête? Ça, c'est l'instinct, là. T'es avec l'instinct, puis tu vas aller finir une trame de vie en te faisant boxer de tous tes bords de tes côtés. C'est tous des Kovalov qui sont là, là. Puis toi, tu veux jouer au Pascal? Ceux qui ont écouté le match là, de boxe. L'esprit, c'est un... Il ne donne pas de garantie de bien vivre, de bien finir, puis de bien ci, puis de bien ça. Il n'y a pas de bien dans la... dans l'esprit, dans le monde de l'esprit. Il y a des expériences de prise de conscience, point final. Et puis les prises de conscience se font par vibration. Ils ne se font pas par « tu mérites quelque chose ». On ne marche pas au mérite. On marche avec la nature qu'on a. Moi, je peux dire que dans ma vie, j'ai été protégé en tas. Quand je fais le bilan de ma vie, c'est hallucinant toutes les protections que j'ai eues. Mais c'était dans ma programmation. Tout s'explique par mes planètes. Je suis capable de regarder mes planètes et dire « ah, ben oui, c'est sûr, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr ». Mais un autre qui n'a pas les mêmes planètes que j'ai, il n'aura pas les mêmes protections, il n'aura pas plus de garanties que j'en ai. Moi, je ne peux pas dire que j'ai des garanties, je peux dire que j'ai un programme de vie qui me permet, pour faire le travail que je fais, de garder tous mes morceaux. Bien alors, j'ai mal à la gorge, je m'équipe en conséquence. Tu sais, un plastron. Mais ça, c'est pour protéger ma gorge, c'est mon outil de travail. C'est pas mon bras. Mon bras, je serais malheureux aujourd'hui, je serais à des cordes de bois à les livrer, là. Oups, elle n'aurait pas couché avec le chat, ça, c'est sûr. Donc, si l'esprit ne vous en donne pas de garantie, puis que l'âme cherche des garanties, vous pouvez comprendre qui ce qui souffre, hein? C'est l'âme. C'est toujours l'âme qui va souffrir. Ah, moi, je me suis bien investi dans cette relation-là. OK, fine. Mais si tu lis ça au niveau de l'esprit, tu l'as fait pour toi, man. Ça a servi à l'autre dans son développement. OK. Mais tu l'as fait pour toi. Ça veut dire quoi, ça? Le faire pour soi. Ça veut dire que pour continuer à te développer, il fallait que tu aimes faire ça. Je me suis beaucoup développé dans le motocross. Je me suis beaucoup développé dans la compétition à votre soi. J'ai beaucoup développé dans mes rapports sociaux à travers la compétition. Puis j'ai beaucoup développé dans mes rapports intimes avec mes chats, avec l'éducation de mon gars. Puis c'est toutes des étapes. L'esprit, quand, dans la mesure qu'il est capable de voir que c'est des étapes, il n'a pas de trouble. Mais s'il veut fixer ça, comme l'âme veut fixer ça, il va avoir des sérieux problèmes de lecture. Parce que l'esprit, tu t'en sors parce que tu sais lire l'événement. Un individu qui ne sait pas lire l'événement, parlez-moi pas de contact, s'il vous plaît. Là. Vous êtes juste des beaux parleurs. Ça, des gourous, j'en ai vu pas mal dans ma vie. Là. Un gourou, ça, on a été dans une librairie ésotérique là, cette semaine là, avec Céline, là. Ils ont tous des pouvoirs, ce monde-là. Le monde du pouvoir, c'est pas à l'Assemblée nationale, oubliez ça, là, c'est dans les librairies ésotériques. Je rentre un gars, là, il rentre dans le... Il est tout sérieux, là. Tu vois, là, c'est juste... C'est vous, monsieur, là, je vous regarde, là, vous êtes vraiment un gros pouvoir, parce que... Là, il te regarde un air sérieux. Ben, ses lunettes. Oui, jeune homme. Je suis au moins aussi gris que vous. Non, mais vous avez... Vous êtes jeune, vous. Moi, je suis une vieille âme. Ah oui, vieille âme, oui, c'est vrai. Ça a bien du sens. Bien la lutte. juste à votre façon de marcher, on voit que je vous battrai aux 100 mètres. Ça, c'est clair. Une vieille âme. Personne qui est dans l'esprit a une lecture fluide. Personne qui est dans l'âme, quand il va s'accrocher dans des domaines de science, de philosophie, de ci, de ça, ils sont tous lourds, ce monde-là. Ils sont tous lourds. Ils ont tous besoin d'une petite gêne ou d'un petit jeune. Des cougars. C'est un autre. Il y a des femmes comme ça qui aiment les chats naturellement, mais ils n'ont jamais eu de chat de leur vie, mais ils aiment les cougars. 50 ans, ils aiment les cougars. L'esprit, c'est simple. L'esprit, c'est une lecture de l'événement. Tu sais, on apprend à lire dans les événements faciles avec les nouvelles. Moi, je suis bien gros l'affaire de l'islam, là, de ce temps-là. Là, je n'en manque pas une. Je regarde mon Pélado, je l'adore. Là. Il donne des chocs à répétition. C'est un Capricorne, hein, il est beurré de planète en Capricorne. C'est un gros Jean par devant, sans le savoir. Là. Moi, je m'engagerais en Uber Sélection. Tu sais, si tu fournis ton Mercedes pour faire du taxi, là, Uber Sélection, c'est juste du BMW, des Rolls Royce, à faire. Puis je suis à Saint-Jérôme. Je dirais, si vous avez une petite place là, pour le ministre, pas le ministre, mais le député, même pas le député, pas encore député, en tout cas. Pour Pélado, s'il y a besoin d'un Uberic Sélection, passez-moi là, on va jaser en descendant. Je vais aller à Québec, pas de trouble. L'esprit, ça vient avec le général, la lecture générale, et une compréhension spécifique. Mais c'est général. Partez du principe que si vous avez de l'esprit, principalement, vous avez une perception de l'événement et du général. Ça, c'est la base. Vous n'êtes jamais dans du personnel en priorité. Ceux qui me connaissent dans le privé savent tout le temps que pour que j'aie une lecture privée d'une personne, il faut que je parte d'un ensemble d'événements pour avoir le quoi tu fais dans cet événement-là. Comment se fait que tu es pris là-dedans? T'sais, Céline pourrait vous le confirmer. Et toi, une lecture comme générale des choses pour arriver dans du spécifique. Je vois là, elle a une boule de cristal. Là. J'ai dit, c'est pas la boule de cristal, c'est le show que tu vas faire avec. Donc, prends pas ça personnel, là. T'as pas plus de boules ou perdre ta boule ou tu rouleras pas plus dans l'escalier parce que t'as une boule de cristal. Mais ça va faire un bon show. C'est plus crédible qu'une boule que de donner ton opinion. Parce que là, c'est comme un message des dieux. Là, c'est t'es messagère. Là, c'est clair. Tu donnes ton opinion, personne ne te croit. Tu le dis à travers la boule, la même chose. Puis là, oups, c'est plus crédible. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Ben, c'est que c'est un autre type d'événement. C'est différent là, comme tel. Parce que peu importe si tu parles en esprit, tu vas quand même être reçu par des égos. Puis un égo, s'il te voit comme un égo qui lui parle, il va te contester, c'est automatique, parce qu'il ne veut pas avoir d'autorité sur sa tête. Il est prêt avec Dieu, ça va, mais il n'est pas prêt avec toi qui te prends pour un Dieu. Okay. Ça ne passe pas. Posez-moi des questions. Pas les nouveaux, là, parce que vous n'avez pas le même langage que moi. Là. Absorber. Buvez la piscine. De l'estime de soi que tu parlais au début par rapport à... Ouais, dans l'amour. Oui, dans l'amour. Par rapport au fait que, dans le fond, ce n'est pas nous qui pensions, parce que nos pensées ne nous appartiennent pas. Oui, ça, c'est pas pour tout le monde, ça. Là. Mais disons que, d'une façon générale, les gens qui ont confiance en eux, c'est des gens qui s'aiment beaucoup. C'est comme... La base pour eux autres, c'est que je suis beau, je suis fin, je suis intelligent. Ils se donnent des qualificatifs, puis ils s'enracinent là-dedans, et puis ils se vendent. S'il y a un élément qui est constant dans la vie, c'est qu'il faut que tu aies une appréciation de quelque chose pour le vendre. C'est difficile de vendre une chaise si tu ne l'aimes pas. Donc, okay. Ce que tu me dis, c'est que l'estime de soi, c'est à partir de l'homme. Oui, ben oui, c'est sûr. C'est quoi le pendant au niveau de l'esprit? L'esprit, t'es né pour faire ça. Okay. Tu sais, c'est comme... t'as pas eu le choix, là. T'étais fait pour... Fait que l'esprit t'indique une façon d'être, puis tu peux pas dévier de ça. Mm-hmm. Tu peux pas échapper à ta programmation. T'aurais beau vouloir des recettes, ben vous en donnez des tonnes de recettes. Mais c'est pas une recette, la vie. La vie, c'est une obligation d'être de telle façon, dans tel événement. Et puis ta fonction se fait à partir de ta programmation. Donc l'âme viendrait à dire, si je comprends bien ce que vous dites, que l'âme voudrait à ce moment-là nous faire dévier de notre programmation. Ben, on aimerait ça, là. La lecture de l'esprit sur les événements qui nous entourent. Fait que l'évolution d'un être humain est déjà programmée. Vous, y a pas de, pensez pas faire des efforts. Si vous faites des efforts, c'est parce que vous êtes pris, puis vous voulez vous déprendre, puis that's it, là. C'est le seul temps où on fait des efforts, c'est quand on est obligé. Le reste du temps, tu vives notre vie là, facile. Toi, ça va bien, t'as ton chum, il t'aime, tu l'aimes. Mais avez-vous le choix de ne pas vous aimer? Regarde-le d'une autre façon. Ah, il m'aime, ben ouais, c'est comme si c'était acquis, ça là. Y a-tu le choix de ne pas t'aimer? Hey, oui, tu vas-tu l'avoir, la salade, lui, s'il ne t'aime pas? Tu dis, écoute, on s'est engagé, tiens ton engagement, sinon, on va te coûter une beurrée, man. Tu sais, fait que ça revient tout le temps à l'affaire de qu'est-ce qu'on n'est pas obligé? La vie, c'est qu'est-ce qu'on n'est pas obligé? Parce que ce qu'on fait qui est naturel, on ne force pas à le faire. Mais les affaires qui sont difficiles, puis que tu vois, tu ne peux pas sortir de la trail, là, parce que les forces t'impliquent tout le temps d'aller dans cette trail-là. Là. Tu ne peux pas échapper à ta trail. T'sais, tu vas dire, ah ben moi j'ai eu des enfants, il faut que je m'en occupe. Ouais, c'est correct. Si ça marche pour toi, il faut que t'en occupes, c'est beau. Mais il y a bien des mères que j'ai eues en consultation qui ne pouvaient pas s'en occuper. C'était le père. Ben, quand, le père, il faisait interférence, on se sépare, puis c'est moi qui se garde le petit, tu n'as pas d'argent, je m'en occupe. Puis en tout cas, tu sais, les patentes difficiles. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens que ça n'allait pas bien dans leur vie. 40 000 cas de problèmes. Ça ne dit pas que c'est la vie complète qui est comme ça, mais ça, c'est encore, ça donne comme un aperçu de quand ça dérape et quand ça va mal, ça va mal. Tu sais, ça va mal dans le sens que ça ne va pas dans le sens de ce que l'âme veut, mais c'est peut-être ce que l'esprit veut. Et là, j'arrive puis je lui dis, bien, si tu regarderais ça de telle façon, ça serait plus facile à vivre. Juste en changer la lecture de ce qu'ils vivent, je les soulage. Ben, je lui fais voir que la vie peut-être veut ça pour que tu développes ça. Ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Ben oui, mais essaie de le voir de même. Tu vas voir, ça a bien plus de sens que de la façon que tu le vois. Parce que toi, tu vois la vie à travers des normalités. C'est normal d'être de même. Ouais, mais penses-tu que la vie de tout le monde est normale? Quand tu vois une femme afghane qui veut tuer sa fille parce que sa fille est au Québec, puis elle cherche à s'adapter aux petites filles au Québec à 18 ans. Là, tu vois la main folle attachée, c'est ce qui veut poignarder sa fille. C'est-tu normal, ça? Moi, j'ai jamais eu de cas comme ça dans mes consultations, mais ça existe. Tu vois ça d'un jour ou l'autre, tu dis, ça n'a pas de bon sens. C'est pas normal. Elle vit pas normalement, puis bon, elle essaie de justifier ce qu'elle fait. Fuck out. Peut-être que dans son pays, ça justifie, mais ici, ça marche pas. T'aurais dû rester là-bas. Moi, ça serait déportation automatique. Boum, boum, t'en vas. Pas de procès. Ah ouais. Tu retournes où ce que tu étais. L'esprit, ce n'est pas de garantie parce que c'est une lecture d'un événement continuellement. C'est le pourquoi tu vis. Ce n'est pas le qu'est-ce que tu veux. Non, non, c'est le pourquoi tu vis. Une subtile nuance. Pourquoi tu vis, il n'y a pas grand monde qui le savent. Mais ce que le monde veut, avoir de la vie, ça, ils savent. Ah, moi, je veux vivre ça, je veux faire ça. Je veux pas telle affaire, je veux pas souffrir, je veux pas mourir, je veux pas avoir le cancer, je veux pas si, je veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire, ce style-là? Comment tu vas voir ça? Comment tu es capable de lire ça? C'est quoi le cancer? Qu'est-ce que le rapport psychologique entre le cancer et ça? Moi, j'ai dit aux gens, si vous voulez pas avoir le cancer, brûlez toute la nostalgie de votre vie. Si vous êtes nostalgique, vous allez avoir le cancer, c'est garanti. Sûr. Je n'ai eu des cas de cancer, moi. Qu'est-ce que tu veux? Le monde vient de me voir pour trois choses. Le travail, la santé et puis le couple. Santé. Cancer, M. Ménard. Ils m'ont dit que j'avais tant de temps à vivre. Pourquoi j'ai le cancer? Avez-vous de la nostalgie? Je ne fais que ça, moi. J'écoute du Elvis Presley tous les jours. J'écoute le passé. J'écoute le temps où j'étais heureuse. Pas parce que vous ne l'êtes plus aujourd'hui, bien là, non. Nostalgie, papa. Tu sais, quand tu je ne sais pas, 200-300 cas là, qui deviennent, c'est toujours des problèmes de nostalgie. Tu dis cancer. Cancer, c'est le signe du passé en astrologie. C'est le signe du manque d'assurance. C'est le signe qui cherche tout le temps à se protéger à outrance. Là, c'est débile. Il veut vivre dans un œuf, lui, là. Ça se neutralise-tu, mettons, que tu as des pensées, mais là, tu dis, ah, je pense à ça, je pense à ça. Parce que ça se neutralise. Comment tu peux. Parce que si tu réalises que c'est une vieille mémoire, Ça se neutralise-tu automatiquement ou parce que je suis sûr que tout le monde, à quelque part, on a un petit peu de nostalgie? L'âme, ça a besoin d'être motivé. Okay. L'esprit, quand tu vis avec l'esprit, ça a besoin d'attendre la vibration. Pas pareil. Non. Motivé, c'est bien émotionnel, ça. Tandis qu'une vibration... c'est comme là, j'ai toutes mes crises de CD d'astrologie, là, on dirait qu'ils sont fuckés bien nets, là. On dirait que je suis plus capable de les duplicater. Si c'est à cause de l'éclipse, il y a des bonnes chances, parce qu'on a des taches solaires. Il y a des tempêtes de taches solaires, là, en plus d'une éclipse. C'est killer, ça, là. Tout ce qui est électronique a tendance. Même, ils t'avertissaient dans les journaux. Faites attention à l'électronique. Moi, tout ce qui est électronique, important pour moi chez nous, ça a sauté. Mon duplicateur, je vais me trouver avec mon duplicateur. Là, tout d'un coup, essaye trois CD différents. Il y en a qui partaient même pas, les deux qui partaient pas, puis un autre qui, à 57 minutes, il restait 4 minutes à enregistrer, il bloque. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Là, en dedans, ils me disent, c'est l'éclipse. Ah, grâce à toi, ça veut dire que j'attends 4-5 jours, ça va débloquer? Dans le style, tu sais. Il y a tellement de facteurs qui peuvent créer une interférence dans ce que vous voulez. Moi, je veux plus vouloir, je veux vibrer. Moi, quand ça vibre, ça se fait, pas de trouble. Mais quand je le veux... Ça dépend des planètes. Puis j'ai l'avantage de connaître les planètes. Vous autres, vous n'avez même pas cet avantage-là. Mm. Vous autres, vous êtes tous responsables. C'est tous vous autres qui faites les gaffes, puis c'est tous vous autres qui faites les bons coups. Ça ne marche vraiment pas comme ça. Quand tu étudies les événements, puis tu vois dans quelle séquence que tu es dans les événements, puis quel rôle que tu as joué dans les événements, tu vois que c'est arrangé que le gars des vues pas mal. Mm-hmm. Allez voir ça, Exodus, là, c'est au Vidéotron, là. La vie de Moïse, puis quand il parle à Dieu, là, dites-vous que vous parlez à votre double. Là. Oui, c'est ça. 2 heures et demie. Fait que le petit enfant, là, quand vous allez le voir, lui, il voit que c'est Dieu. Puis vous allez voir qu'un petit enfant comme ça, je ne voudrais pas en avoir un parce que. Il y a de l'énergie. Ben, c'est pas qu'il y a de l'énergie, c'est parce qu'il fait des mauvais coups. C'est assez impressionnant. Tout ce qu'il est capable de faire, là. Fait des attaques d'alligators, tu vois à peu près 1000 alligators dans le lac, là, tu te dis, waouh, une minute, là. Non, non, c'est infime, hein? Faut pas croire. Mais c'est impressionnant, pareil. Donc, dans l'évolution d'un individu, quand tu arrives au stage de te voir dans un événement, plutôt que de voir que ta vie, personnellement, t'as fait ça pour faire telle erreur, ou t'es pop, t'es responsable de quoi? T'es responsable de rien dans la vie. Mm-hmm. Mais est-ce que ça se neutralise? Chercher des recettes, vous autres. Non, hein? Je veux juste savoir si... Écoute, moi, je pense que la seule chose qui fait qu'un événement est neutralisé, là, OK, la seule chose, c'est qu'il y a un courant d'événements qui change. Okay. C'est la seule chose qui se neutralise. Comme là, j'ai des problèmes avec ma duplicateuse. Ou je fais le coco, là, puis je m'achète un autre duplicateur en plein dans l'éclipse, puis je ne règle pas mon problème. Ou j'attends 3 semaines, puis j'achète ou j'arrange ma duplicateuse, ou probablement qu'elle va débloquer ma duplicateuse dans 3 semaines. Tu sais? Mais je suis capable d'y avoir un événement. Tandis que l'individu qui se sent responsable va dire, « Ça y est, il y a un chat qui a pissé dans la machine. » Puis comment tu veux que ça rentre là-dedans? Là? C'est hermétique de partout. Vous allez vous créer des responsabilités. Vous allez... Parce que vous êtes dans le jeu. Vous êtes toujours dans un climat mental de réflexion. Fait que dans votre réflexion, vous allez vous accuser ou vous allez accuser quelqu'un. C'est le sujet de la prochaine conférence après. Là. Juger l'événement plutôt que de juger l'individu. Une raison pourquoi je dis juger l'événement. Parce que l'autre devient un acteur dans ta vie à ce moment-là pour t'apprendre quelque chose. T'es intelligente, toi, tu vas aller loin. C'est bon? Tu as des bonnes questions. Fait que l'évolution d'un individu qui lit sa vie sans sentir coupable, sans sentir responsable, il est profondément conscient du destin. Profondément conscient du destin. Du destin. Du destin. Regarde, tu n'as pas d'ouvrage de ce temps-là. Je suis sûr qu'on téléphonerait à toutes les agences de Montréal puis ils seraient plus avec le même problème. Pour que l'Union des artistes offre des jobs en parallèle à des artistes, c'est que ça va mal. Donc, tu n'es pas responsable. C'est pas parce que tu travailles mal, c'est pas parce que tu travailles pas bien. Ou, c'est le milieu qui est comme ça. pas si vous avez remarqué, mais depuis le mois de janvier, ça brasse en maudit. Moi, je regarde le marché, là, j'ai jamais vu ça. Des raids de 150, 200 points dans la même journée. On avait ça d'une semaine avant. Puis là, on a ça dans une journée. Pas de saint bon sang. Il y a quelque chose qui s'en vient. Je vous ai parlé de la date, le 10 janvier 2020. 10 janvier 2020, là, c'est une échéance à bien des choses. Tu ne peux pas te prendre personnellement responsable de ce qui s'en vient. C'est impossible. On est dans une troisième guerre mondiale avec l'État islamique. C'est une guerre mondiale. Ça, c'est vraiment mondial. Puis je ne suis pas sûr que vous êtes vraiment conscient des conséquences de ce qui se passe là. Les abeilles, on perd 53 % des abeilles depuis 3-4 ans. C'est dramatique. Ça affecte notre alimentation mondiale à travers le monde. Il y a tellement d'affaires. Si, avec l'esprit, vous n'êtes pas capable de lire l'événement, votre amour va être déchiqueté par toutes les conditions. Parce qu'oubliez pas, quand je vous l'ai dit, là, quand on s'apprécie soi-même, on s'aime. Quand on apprécie quelqu'un, on l'aime. Puis on l'aime toujours selon des conditions. Vous avez des conditions psychologiques spécifiques. Moi, j'aime pas n'importe qui. Je vais aimer des gens dynamiques. Pourquoi j'aime pas les autres? Bien, c'est parce que ça ne fit pas avec mes valeurs, ça ne fit pas avec mon mode de vie. À 80 peut-être, des gens pas dynamiques, là, tu sais, qui bougent un pouce à l'heure carrée, là. Pas de trouble. Mais je suis pas capable de vivre ça là, c'est pas le temps. Fait qu'il y a des choses qu'on aime à un âge, qu'on n'aime plus à un autre âge, puis on a toujours des conditions. Fait que l'âme conditionne la façon de s'approcher de l'autre, puis la façon de s'éloigner de l'autre. On s'éloigne tout le temps de l'autre parce qu'on a atteint un niveau de saturation de sa présence dans un événement donné. Quand tu parles de, mettons, amour et haine... Dans l'âme. OK. Oui, la haine, ton niveau de l'esprit, c'est quoi? Il n'y a plus, là. C'est de la sensibilité. Non, c'est juste la sensibilité. Mais c'est pas de la sensibilité émotionnelle. Ça, pour moi, une émotion, c'est transformé en sensibilité quand ça passe à l'esprit. Sensibilité, pour moi, c'est une... mettons qu'elle me grimpe dans le visage, là, c'est comme... qu'est-ce qu'elle fait? Là? Je suis dans... Écoute, j'écoute un combat de boxe, là, je suis en train de voir un événement. C'est un accident sans route, sans que mon char soit impliqué. Là, c'est comme... je suis juste sensible à la situation, là. Mais j'ai pas d'émotion là-dedans. Tu sais, mettons qu'elle me dirait, « Hey, Daniel, on se marie-tu? » Je dirais, « Oui, combien de temps? » Tu sais, genre, 2 heures, 3 heures. J'ai pas d'attente. Ça permet pas d'attente. Parce que dans l'âme, tu bâtis, tu vas bâtir un rapport pour une permanence. L'âme cherche la permanence. L'esprit, il cherche pas la permanence, il cherche l'événement. T'es dans quel événement? C'est quoi l'événement? Là? Tu dis, bon, OK, c'est quoi ton... Tu te sens malheureuse tout d'un coup. Là. T'as besoin d'un remontant. Puis dès que tu vas être remonté, tu vas quitter ton camp. Tu sais, c'est comme ça. Il n'y a pas de recherche de permanence. Il y a une compréhension de l'événement, c'est tout. Fait que c'est une grande, grande, grande sensibilité sans émotion. Conscience. Est-ce qu'il peut m'intiser des événements? Je crois pas à ça. J'ai jamais cru à l'autodétermination, puis moi, je veux ça, puis à force d'y penser, je vais l'avoir. J'ai jamais cru à ça. J'ai été astrologue trop longtemps pour croire à des affaires de même. Je peux avoir une vision des choses. Ça, OK. Quelqu'un qui a une vision des choses, il est simplement capable de lire son avenir, c'est tout. Mais ça revient tout le temps à lire quelque chose qui est déjà marqué. Mais ta capacité d'observer ne détermine pas ce que tu vas avoir à vivre. Je vais juste observer l'avenir. Au mieux. OK, ça n'empêchera pas un événement de... Jamais. Ah non. La seule chose, puis j'ai encore des doutes sur ça, là. La seule chose que j'ai la certitude, c'est qu'un événement ne peut pas se modifier par ta propre pensée, parce que c'est une vibration qui va modifier un événement. Et je pense pas que ça se modifie un événement. Je pense que c'est à pointer dans une vie pour faire une prise de conscience. Et tout ce qui pourrait t'empêcher de faire la prise de conscience va être caché. T'sais, fouille avec ton contact, si tu en as un vraiment accurate, là, précis, fouille tout ce que tu peux vouloir de ton avenir, puis il va quand même te faire des cachettes. C'est pas parce que tu es un bon canal qu'il est obligé à toi. Il sert de toi. Fait que si ton esprit se sert de toi, tu ne te sers pas de lui. C'est toujours le fait que c'est eux autres qui installent chez toi les vibrations et conséquemment qui te mettent en syntonie avec un événement, donc avec un environnement, pour pouvoir vivre la prise de conscience qui est nécessaire. Point final. Moi, le loup là, que j'ai vu en 2008, bien honnêtement, là, ben, dans le profond de moi-même, je le trouvais super beau. J'aurais aimé ça l'avoir. Même si elle a mangé 2-3 chats. Il m'en a mangé 14. Okay. Calice! Il me restait 2 chats qui pouvaient aller dehors. Le reste, c'était tous des bébés que j'avais en dedans. Qu'aujourd'hui, ils sont adultes. Puis encore là, dans le tas, il y en a une couple qui ont été mangés par des pécans. Puis là, c'est des coyotes. Puis là, c'est même pas des coyotes normales. Là. C'est des loukoïs. C'est ce que c'est un loukoïs? C'est un hybride entre un coyote et un loup. C'est des chiens de 70 livres. Un coyote, c'est gros comme ça. Là, les chiens qu'il a vus, le bonhomme, là, mon voisin, il dit, il y en avait 5 dans ta cour. Des loukoïs. Donc, quoi que tu puisses faire avec la situation, c'est ce que tu vas être obligé de vivre qui est important. Ben, écoute, man, je m'énerve avec mon chat. Mon chou, là, il a passé l'hiver dehors à moins 20. Il me revenait tout chaud dans la maison, à moins 20. Là. On s'entend-tu qu'il reste en quelque part? Là? Fait que, tu sais, quand t'es cocu, c'est un destin de cocu que j'ai eu. Fait que mon chat, il va chez un voisin. Il rentre chez nous, là, si, il a pas mangé en partant, il revient, puis il a pas faim. Écoute bien, là, il a quand même pas mangé de la neige, là, il était aux bonnes limites. Non, non. C'est juste comme pour m'apprendre à me détacher, à pas avoir d'émotion face à ça, t'inquiète. Je ne crois pas à l'autodétermination. Je ne crois pas profondément. J'ai trop d'expérience dans le prévisionnel. J'ai trop d'expérience, comme elle, j'ai fait acheter une boule de cristal pour le show. Et la fille, elle checkait, elle dit, vous devez avoir des dons, vous, là, en parlant de Céline. Ah, vous savez, madame, Adrienne Gingras, je ne sais pas si vous l'avez connue dans le temps, c'est un enfant d'école comparé à elle. C'est un show, c'est un spectacle. L'as-tu emmené à soir ta boule? Non, tu vas emmener ça vendredi prochain. Je te dis, tu vas être gêné, elle va te parler, là, puis tu vas... Ouh, une petite feuille au vent, là. Je crois pas à ça qu'on puisse vouloir pour faire quelque chose. Je pense qu'on peut avoir une vision de ce qui existe dans notre futur. C'est juste ça que je peux voir. Moi, des gens qui me disent, « Ah, il faut faire ça », pour moi, c'est étiqueté gourou. Des fois, le monde me demande de jouer au gourou parce qu'ils veulent des recettes. Mais il n'y en a pas de recettes. Ta vie est déjà marquée. Tu peux la voir, mais tu ne peux pas la changer. Je ne crois pas à ça. Toi, tu crois à ça, que tu peux changer ta vie? Non, je ne te pose des questions. Non, c'est correct, ça. Ma conscience du chaud aussi. Donc, on va brûler l'âme, c'est ça, devenir... Ça devient froid, le processus. Quand t'aimes, toi, t'as encore une capacité d'aimer. Mais t'as pas une capacité d'aimer n'importe quoi, puis n'importe qui. Hein, tu sélectionnes, même si ça pourrait être payant des fois. Là. Non, tu veux fermer ma gueule, je sais. Je vais fermer ma gueule, ça fait partie du show. Mais on s'entend que c'est un événement à analyser comme n'importe quoi. Il n'y a pas de secret à avoir. D'ailleurs, secret égale sécrété. Du secret, tu sais, c'est... Quand on veut triturer l'âme puis le sentiment, il n'y a rien de plus extraordinaire que le secret, là. Tu peux te faire une montagne d'interprétation de la vie quand tu secrètes. Là. Pourquoi moi, je suis upfront dans ma vie avec les gens? Pourquoi? Pour dévoiler l'âme. Je dévoile le mien, en tout cas, sérieusement. Pourquoi je fais ça? Ben, je prends pas ça au sérieux. Vous autres, c'est secret, c'est plus au sérieux. Faut pas le dire, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Pareil comme si le monde... Toi, quand t'es consciente, là, t'es-tu capable, tu penses, de lire quelqu'un? Moi, il n'y a pas personne que je peux pas lire. Il parle pas, puis je l'entends penser, câlisse. J'ai jamais trouvé ça important. Moi, ce que le monde pensait, excuse-moi, c'est pas... Même pour un prix Nobel, je trouve pas ça particulièrement... T'es marqué pour le faire, that's it. T'as une vision de ce que l'autre peut faire. T'as une vision de ce que tu peux faire. S'il est là dans ta vie, il est aussi important le fait que toi aussi, c'est important que tu sois dans sa vie. Même s'il est important, t'es dans sa vie, il y a une raison. La raison que t'es dans sa vie pour tel événement, c'est aussi valable que l'impression qu'il y a d'avoir de l'importance. Hey, vous êtes avec un initié? J'ai rencontré un initié. Il était humain, le gars. Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, il est un initié, mais c'est un humain. C'est pas le gars qui est important, c'est le message. Il y en a des millions de gens qui ont des messages. Puis on cherche à donner de la valeur à un individu. C'est un crise de facteur. Quand tu meurs, tu penses que le bureau de poste va fermer, toi, là? Hey, on réveille? Un facteur, c'est un facteur. Il marche, il crève. Puis le bureau de poste est toujours là. Moi, je t'intéresse au bureau de poste. C'est là que toutes les lettres arrivent, puis c'est tout là qui part. T'es intéressé à ça. T'es intéressé à les forces, là, qui est le bureau de poste. Savoir c'est quoi le message qu'il veut aller porter, puis à qui qu'il donne. Tu sais, moi, Bernard, il faisait du colis. Moi, je fais de la lettre. Des grandes enveloppes de temps en temps. Lui, il était avec le purulator, aussi, puis avoir du colis, Chris. Il te livrait un meuble, il te livrait une boîte, le kit. Chacun son domaine. Mais c'est pas parce que je mange dans la rue puis que je livre des lettres que c'est moins important que purulator. Tu sais, un chèque d'un million, là, gagné à la loterie, là, c'est une lettre, ça, là, c'est pas un colis, là. C'est juste vous donnez tout... Ouais, c'est juste du papier. J'aimerais ça l'avoir, hein? Je le partagerais, moi, là. On marcherait facile les soeurs trois fois pour pouvoir aller collecter ça. En tout cas, ça pour dire quoi? C'est que la vie, c'est une programmation. T'as un rôle à jouer, puis étudie ton rôle. Puis c'est pas de vouloir modifier quelque chose dans lequel tu as déjà une main pleine. Ouais, je suis en amour. Ben oui, puis... T'aimes-tu ça? Oui. Mais depuis que je suis en amour, j'ai peur de la perdre. Ou j'ai peur de le perdre. Ah ouais? Pourquoi? Oh, je sais pas si je vais combler toutes ces attentes. Mais t'as le dit tout de suite. Jamais tu vas combler les attentes d'une seule personne. C'est trop vaste. C'est trop vaste. Ça n'existe pas. Combler les attentes de quelqu'un. Tu n'auras jamais, jamais, jamais, jamais le budget, jamais l'intelligence pour combler l'attente d'une seule personne sur la planète. Tu vas passer dans sa vie pour qu'elle réussisse à se combler. That's it. Rêve pas sur l'affaire de combler l'autre. Rêve simplement du fait que tu fais partie de la vie pour qu'elle se comble un peu dans l'étape de vie avec toi. That's it. T'es heureuse, là? T'es heureux, là? Prends ça, relax. Ton esti de possessivité, de contrôle de ci, contrôle de ça, là. Ça fout rien. Ça fait juste te donner du karma pour une autre vie. Ça veut pas dire qu'il faut que tu rencontres 40 000 personnes dans une vie. Ça veut dire que si tu es programmé pour rencontrer 40 000 personnes dans une vie, tu vas y rencontrer ne serait-ce que dans une émission de radio. Tu vas faire une émission de radio, tu vas parler à 40 000 personnes. Bang, fini. C'est le message. C'est toujours le message. Tombe en amour avec toi-même tant que tu veux, estime-toi tant que tu veux, fais de l'estime tant que tu veux, mais ça revient tout le temps au fait que c'est le message qui est important.